C'est à moi, c'est à moi. Je suis marraine, la bonne fée. Bon con, bonne conne, chers amis auditeurices, bonjour à tous et bienvenue dans la chronique cinéma d'Hubert Félix Typhon. Aujourd'hui, chronique cinéma spéciale pour une personne qui l'est tout autant, bonne conne de la première heure, belle personne, multiples humeurs, du sarcasme à la douceur, elle annihile toutes tes peurs, ma Louison, mon petit cœur. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Alors, vous l'aurez compris, va suivre une liste très subjective des films favoris de notre Tyrol national, ou du moins des films qui constituent son patrimoine de vie, et le nôtre un peu aussi. C'est plaisir, c'est bonheur. C'est parti ! En numéro 1, focus sur les films de Félix von Groningen, cinéaste belge, notamment de La Merditude des Choses, Alabama Monroe ou encore Belgica, des films singuliers que Louison porte haut dans son cœur. Félix von Groningen met en scène des personnages en marge de la société, qui galèrent, des personnages beaux et forts, qui évoluent dans un univers à l'esthétisme assez puissant, des films marquants. L'occasion donc de les voir ou de les revoir en période de confinement, je vous laisse avec la BO d'Alabama Monroe qui aura rythmé nos sessions ménage ou sessions glandage rennaise, amour et nostalgie. Wayfaring stranger, while traveling through this world of woe, yet there's no sickness, toil or danger in that bright world to which I go. En numéro 2, Mulan. Parce que si Louison était une héroïne Disney, elle serait un peu Mulan, un peu Pocahontas, mais surtout Mulan. Téméraire, belle, audacieuse, têtue, et vas-y que je te coupe parfaitement les cheveux en 2 secondes, m'étonnerait pas que Mulan soit aussi bélier ascendant lion. Toute personne ayant fréquenté Louison aura en tête les punchlines de Mouchou le dragon ou aura été bercée par le film avant de s'endormir. Un extrait, tout de même, du moment le plus significatif du film, celui qui, à chaque fois, émeut un petit peu. We'll be right back. bien sûr, cette liste ne sera jamais exhaustive. Elle s'agrémente de petites pépites, dont Les Bêtes du Sud Sauvage, dont je vous ai déjà parlé, forcément un peu de Xavier Dolan, beaucoup d'Harry Potter, mais aussi des films découverts en festival. Les films de Lars von Trier, certains Bertrand Blier ou bien Ruben Ostlund, et puis le magnifique Toto et ses sœurs, un documentaire poignant sur une famille de Roms en difficulté dans laquelle le petit Totonel, 10 ans, va apprendre à lire, écrire et danser. Et surtout danser. Un film qui aura beaucoup ému la douce Tyrol et que je vous invite à votre tour à découvrir. Oh yeah! Mais Louison, c'est aussi des films qu'on regarde moult fois sans jamais se lasser. Ces films qui nous font voyager aux confins de l'univers ou beaucoup rigoler. Ces films qui nous réunissent tous finalement. Il y en a un en particulier, je vous le donne en mille. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Un film clairement placé sous le signe du bon con, mais qui fait toujours tout chaud dans le clacos. Alors pour notre plaisir à tous, voici l'une des scènes préférées de Louison. Vous avez le droit d'en faire vos plus belles imitations. Garçon, la dernière fois, pas de chance, nous sommes tombés sur ces Gaulois. Cavés de potions magiques. Et leurs molosses. Submergés par leur nombre de deux, nous n'avons rien pu faire. Et nous avons dû... fuir. Non, pas vraiment. Nous avons quitté le navire un peu précipitamment, disons. À la nage, et elle était glacée. Non, elle était bonne. Elle était glacée. Bon. Donc, pour éviter les ennuis, évitons les navires gaulois. Mais pour les autres, pas de pitié. Oui. Papa, souquez les Artémuses. Du calme, ma fille, du calme. En plus, ça veut rien dire, souquez les Artémuses. Ah, c'est ça, je me disais aussi. Combien de navires, Baba ? Un seul, capitaine, tout petit vu d'ici. Égyptien, capitaine ! Égyptien ! Égyptien, ça c'est bon, ça. On va se refaire avec ça. Ipso facto, et manu militari. Faites patte. Tout le monde à son poste ! Bosco, double rampe, fond mode, drissez les escabèches. Crâne dur, surin, tête de mort. Mire souffler les artimans. Allez. À la bondage. Je suis le roi du monde. Pirate. Les pirates, il faut partir. Ah, les pirates. C'est nous. Non. Les Gaulois. C'est pas vrai. Voilà, nous arrivons à la fin de cette chronique cinéma. J'espère qu'elle vous aura donné envie de partager la cinéphilie de notre reine du jour. Louison, encore un merveilleux anniversaire. L'adage dit que n'est pas bon con qui veut. Or, si nos chemins ne s'étaient pas croisés, je ne serais pas bonne conne. Merci de m'avoir fait rencontrer et intégrer cette grande famille si surprenante. Merci d'être là, merci d'être toi, et gros bisous, mon petit chat. If I needed it, would you come to me? Would you come to me for to ease my pain? And if you needed me, I would come to you. I would swim in the seas for to ease.